Salut, ça va bien? Ça va bien, Pierre. On va parler d'abord des Blue Jays. Je disais ce matin un article du Toronto Sun, le maire de Toronto, qui un petit peu s'est fait brasser par le Toronto Sun. C'est un gars qui veut confiner beaucoup. Mais c'est pas de COVID que je veux parler. Je veux parler des Blue Jays. C'est déjà confirmé qu'ils vont jouer à Dunedin à peu près. Sauf que ils peuvent pas jouer toute l'année, là. Les partisans des Blue Jays vont espérer à un moment donné qu'ils jouent à Toronto finalement. Ben oui, surtout que l'année passée, on jouait toute la saison à Buffalo. Et puis, ce serait dur pour un partisan de Toronto qui aimerait aller voir son équipe, puis pas avoir la chance peut-être pendant 2 années de suite de pas aller voir ton club à Toronto. Tu sais, l'équipe locale, c'est Toronto. Mais je souhaite, surtout avec les vaccins et tout ça, j'espère qu'il va y avoir une certaine flexibilité du côté de l'Ontario ou du Canada pour permettre peut-être dans quelques semaines ou un mois ou deux, au moins aux Blue Jays de revenir au Canada puis jouer leur match. Fait que, ben, ça serait le fun pour les partisans de Toronto de voir, surtout qu'ils ont une bonne jeune équipe qui est un peu en reconstruction dans les 2 dernières années avec l'ajout des jeunes joueurs. Et malheureusement, les partisans, ils n'ont même pas eu la chance d'aller à Buffalo les voir jouer. Tu sais, je veux Non. dire, tu sais, c'est pas comme s'ils pouvaient aller en voiture un samedi après-midi puis traverser la frontière. Alors, je leur souhaite d'avoir la chance de les voir parce que moi, c'est une équipe. Là, je peux le dire aujourd'hui parce que je ne travaille pas avec les Marlins. Oui. Et je ne suis pas pour te dire que je suis partisan, mais je vais te dire que c'est une équipe que j'ai toujours admirée, que j'ai toujours aimée, que j'ai eu une affinité avec eux parce que ça faisait 10 ans que je les couvrais à chaque année comme dépisteur professionnel, les jeunes joueurs dans la classe A jusque dans les ligues majeures. Alors, c'est une équipe que moi, j'ai vu se développer sous mes yeux dans des villes comme Lansing, Buffalo, New Hampshire. Alors, c'est le fun de les voir arriver au niveau majeur puis d'avoir déjà un impact avec l'équipe. Ben moi, c'est... Puis t'as George Springer qui est à Toronto. On l'a pas signé pour jouer à Dunedin. Tu sais, on l'a pas... Puis Marcus Semien, c'est la même affaire. Fait qu'à un moment donné, il va falloir... Surtout qu'ils sont testés par la COVID quasiment tous les jours. C'est pas comme quelqu'un qui est pas testé, là. À un moment donné, il faut Non. passer à d'autres choses, là. Non, c'est ça, c'est des gars qui sont testés à tous les jours. Et puis tout leur entourage aussi, c'est pas juste les joueurs, c'est le parti, tous les gens qui voyagent avec l'équipe qui sont testés. Alors, c'est pour ça que je souhaite que Toronto ait la chance de voir leur équipe. Et puis, au pire, aller, les autres équipes, ça serait comme dans la Ligue nationale. Les autres équipes iraient juste à l'hôtel, au stade, de retour à l'hôtel, et puis let's go, on joue des matchs, mais ça, c'est des décisions qui sont hors de ma portée. Et pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est les regarder à la télévision pour. Je suis content que tu me parles des ligues mineures parce que moi, je suis un fan des ligues mineures. J'ai toujours aimé ça sur les ligues mineures pour évidemment voir ce qui s'en vient. Vladimir Guerrero, il était à Lansing, puis je suivais, puis j'écoutais ses matchs par l'entremise de Minor League Baseball. Je t'abonnais à ce streaming-là. Et je voudrais que tu me parles d'Otto Lopez. C'est un Québécois. Personne n'entend parler beaucoup d'Otto Lopez. T'sais, on entend parler d'Abraham Toro, on entend parler beaucoup de Charles Leblanc. Mais est-ce que l'Otto Lopez, d'après toi, a une chance à Toronto? Moi, je pense qu'il va falloir j'écoutais l'entrevue l'autre fois au 91-9 mentionner qu'il est en train d'apprendre à jouer à d'autres positions parce qu'à l'arrêt course, c'est une position que les Blue Jays auront beaucoup de problèmes. Est-ce que tu vois l'Otto Lopez atteindre les majeures? Moi, là, c'est un gars que j'ai vu. La première fois que je l'ai vu, c'était à Dollard des Ormeaux. Quand il jouait midget, puis son premier nom, c'était Ariel, je pense, dans le temps. Il a changé que son vrai nom, c'est Otto. Mais déjà là, tu voyais qu'il était une coche au-dessus de tout le monde. Et par la suite, j'ai eu la chance de le voir à Vancouver il y a 3 ans et il y a 2 ans à Lansing. Et puis, c'est un gars que moi, j'ai tombé en amour avec dans le sens que je ne pense pas qu'il va devenir peut-être un joueur régulier ou une super vedette dans le baseball majeur, mais pour moi, n'importe qui a la chance de mettre les pieds sur un terrain des ligues majeures, c'est un bon joueur. Et puis, dans le cas d'Otto, ce que j'aime, c'est ce que tu viens exactement de décrire, c'est qu'ils ont décidé d'en faire un joueur polyvalent. Dans le langage du baseball, on appelle ça un super utility player. Tu sais, dans le genre où tu as besoin d'une journée de congé pour Bichette, tu le mets à l'arrêt court. Vladimir a besoin d'une journée de congé. S'il joue au troisième but, tu le mets au trois, tu le mets dans le champ. C'est un gars qui est très polyvalent, qui joue bien défensivement, qui a un bon bras. Et entre nous deux, là, parce qu'on est juste les deux qui parlent, l'année dernière, les Blue Jays étaient intéressés à un de nos lanceurs gauchers avec les Marlins, qui avait évolué un tout petit peu dans les ligues majeures, mais pas beaucoup. Et puis, on était sur le point justement de le mettre sur les. pas de le libérer, mais on essayait de trouver un partenaire pour faire une transaction. Et lorsque j'ai parlé à mon patron, il m'a demandé quel joueur pourrait être intéressé. Okay. On n'est pas pour demander pour un Guerrero ou un Bichette. Non, non. Mais un des joueurs qu'on avait sur notre liste, c'était Otto Lopez. Et moi, j'étais embarqué à 100% parce que je pense qu'il va avoir la chance d'avoir une carrière. Et les Blue Jays ont dit non. Alors, si les Blue Jays ont dit non, c'est à cause qu'eux aussi ont un intérêt envers ce jeune joueur-là. Et tu sais, des fois, c'est le fun quand tu ne fais pas de bruit, puis personne ne parle de toi, tu arrives sur la scène et puis tout le monde est épaté de te voir, puis disent « Hey, il est sorti de où, ce jeune joueur-là? » Et dans le cas d'Otto Lopez, ça se pourrait qu'un jour, il devienne un joueur très utile. Tu sais, là, ils ont Espinal qui fait le rôle. Ouais, un petit peu Sandigo Espinal. Oui, un petit peu. Tu le vois, demain, tu parles, tu le vois un peu comme Sandigo Espinal, à peu près. Sauf qu'Espinal... Peut-être un meilleur joueur éventuellement. Là, meilleur coup de bâton, peut-être. Oui, moi, je pense qu'il serait capable d'avoir un meilleur coup de bâton, un frappeur plus discipliné... Ce que j'ai aimé d'Otto Lopez, c'est que ce n'est pas un unidimensionnel au bâton. Ce n'est pas un gars qui essaye juste de tirer la balle, il essaye de se servir du terrain. On dirait qu'il comprend. Puis ça, c'est important pour un jeune joueur. Je pense qu'il comprend le rôle que les Blue Jays veulent le voir dans les majeurs. Puis il comprend ce rôle-là, puis il essaye d'être le meilleur qu'il peut être dans ce rôle-là. Puis il n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Il n'essaye pas d'être Roddy Tellez avec la puissance ou. Un gars d'FP Santangelo. Que FP t'a fait peur à Midex, c'est à peu près ça que tu me décris. Rex Sutler, un genre de Rex Sutler, moins rapide peut-être, Moins rapide, mais il a quand même de la vitesse pour voler quelques buts. Ouais. C'est pas un gars là, qui va rester au premier but stationnaire et qui n'aura pas besoin. Il va être capable de bouger. Mais moi, c'est un joueur que j'ai aimé dans les. Ben, pas l'année passée, parce que je ne l'ai pas vu l'année dernière, parce qu'il n'y a pas de Ligue mineure, mais en 2019 et 2018. C'est un joueur qui m'a ouvert les yeux, puis j'ai dit, oh boy, ce petit gars-là, il a des chances de se rendre des majeurs un jour. Puis comme je te dis, peut-être pas une super étoile ou une vedette, mais toutes les équipes ont besoin. Tu sais, un Brock Holt. Je pense que c'est un des joueurs des dernières années qui a démontré c'est quoi le rôle vraiment là, d'être super utility. Et je pense qu'il est capable d'accomplir un rôle comme ça si son bâton s'améliore. OK. Vladimir, 42 livres en moins. Donc, écoute, c'est une année importante. J'en ai parlé souvent avec Marc, j'en ai parlé souvent avec Jacques Doucet aussi. C'est une année où ce que je suis pas loin de dire que ça passe ou ça casse avec les Blue Jays. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ils ont donné tellement de chance. Hein? Je pense qu'ils ont donné beaucoup de chance, les Blue Jays, au point de vue, puis je te parle pas sur le terrain. Moi, je te parle au point de vue à l'extérieur du terrain avec son poids. Je pense qu'ils n'ont pas voulu faire des plats avec ça dans les dernières années. T'sais, au point, même lui, il l'a admis qu'il n'était pas un gars qui aimait s'entraîner. Et il a admis que l'année dernière, après la quand ils sont venus au jeu, il n'était vraiment pas en forme. Et moi, je trouve ça gênant qu'un joueur professionnel dise qu'il a perdu 42 livres. Ouais. 42 livres, ça montre à quel point qu'il n'était pas sérieux au point de vue de son conditionnement, parce que c'est un gars... Il ne sera peut-être jamais un bon troisième but, mais ça ne fait rien. Il y a d'autres positions sur le terrain qui peuvent aider l'équipe, comme au premier but, puis frappeur de choix dans la Ligue américaine. Mais c'est un talent naturel au point de vue de bâton. Il est comme son père, dans le sens... Son père, Pierre, tu seras d'accord avec moi que ce gars-là, il est autant d'arrêtement, on ne peut rien dire, mais c'est un gars qui aurait pu avoir 3000 coucheurs faciles, qui aurait pu jouer 3 à 4 ans de plus facile aussi s'il se serait entraîné. Donc, tu sais, il a planté vite, Vladimir. Là. On l'a vu à Montréal, puis après ça, on l'a vu avec les Islanders en Inde, mais il est allé vite comme frappeur de choix. Puis c'était pas normal à quelque part. Là. Il est descendu très vite, Vladimir. Il a grossi quand il a vieilli un peu. Très vite. Et puis ces dernières années, je me souviens de l'avoir vu la dernière fois avec Baltimore. Et puis c'était un peu triste de le voir sur le terrain. Parce qu'on l'a vu dans ses belles années qu'il pouvait tout faire sur un terrain transport. Puis là, il était limité à être un frappeur de choix parce qu'il n'était plus capable de bouger comme auparavant. Peut-être il y a eu des blessures, il y a eu ici, il y a eu ça, le fameux gazon synthétique à Montréal. Mais tu ne veux pas que son fils suive la trace de son père dans cet aspect-là, au point de vue conditionnement physique. Et peut-être que le jeune a eu justement le réveil qu'il avait besoin dans la saison morte et puis qu'il a finalement compris qu'hey, une carrière, c'est pas long, puis il faut que je prenne soin de mon corps, moi, là. Parce qu'il est doué, c'est un petit gars qui... Non, mais surtout avec l'arrivée de Fernando Tatis, qui, euh, qui. Tu sais, rappelle-toi le 2-3 ans. Rappelle-toi le 2-3 ans. Moi, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup les ligues mineures. Tatis et Guerrero étaient les deux, étaient vus par Baseball America comme étant les deux plus grands prospects du baseball, the next generation, comme on dirait. Là. Ouais. Tatis est arrivé, d'ailleurs, sur contrôle pro, mais Guerrero n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Là. Non, Guerrero, il a montré des flashs. Ouais. Je pense que tu vas être d'accord qu'il a montré des séquences où tu vois le joueur qui devrait être, qui pourrait être. Mais, tu sais, l'année dernière, je pense qu'il y a eu un pas. Le seul aspect positif l'année dernière, il s'est rendu en série, mais il a joué tous les matchs de l'équipe. Fait qu'au moins ça, c'est une bonne chose au point de vue de durabilité. Je pense qu'il est capable de jouer. Mais là, il a besoin d'être en meilleure forme parce qu'une saison de 162 matchs, ça ne sera pas la même chose que l'année passée. Et puis, les Blue Jays en ont besoin. Tu sais, c'est un gars qui ont besoin. Là. Ça fait partie là, justement du groupe de jeunes joueurs et avec l'ajout de Semien et puis de Springer. Tu sais, je veux dire, là, il fait vraiment partie du noyau qui devrait apporter cette équipe-là justement vers peut-être un championnat. Alors, il faut qu'ils se prennent en main, il faut qu'ils prennent le travail au sérieux. Puis peut-être que le déclic a été fait justement après le retour l'année dernière quand il a réalisé comme un gros qui était. Ben, je pense que moi, le troisième but, ça l'a fouetté aussi. Là, Je l'ai vu au troisième but l'année passée au camp d'entraînement, juste avant que les portes ferment. Et puis, il bougeait vraiment pas bien. Ah, mais rappelle-toi, dans les mineurs, c'était pas vu comme un Nolan Arenado ou un Mike Schmidt. Là. C'était pas vu comme le Mike Schmidt ou Nolan Arenado. Là. C'était vu comme un gars correct sans plus. Puis on parlait beaucoup de lui pour son coup de bâton. Mais Dans mes rapports, je l'avais toujours là, quand je l'ai vu à Lansing. Ouais. Puis quand je l'ai vu qui est plus jeune, moi, je le voyais toujours défensivement comme moyen. Même pas. Moi, je projetais qu'éventuellement, il serait juste une coche peut-être en dessous de moyen, mais que son offensive le garderait dans l'alignement puis on pourrait le cacher d'un sens. C'est ce que je veux dire parce que ce qu'il trouve, c'est son bras. Il a un très, très, très bon bras, un bras puissant. Ça peut aider un joueur de troisième but. Et je vais te l'accorder. Peut-être qu'éventuellement, à raison de le plus longtemps tu vas jouer, plus tu vas connaître les frappeurs adverses, tu vas te positionner d'une meilleure façon. Et peut-être qu'il serait capable d'être un joueur moyen, mais pas plus que ça. Mais là, l'année passée, quand je l'ai vu en 2020 au camp d'entraînement, oh boy, il y avait du chemin à faire avant d'arriver à moyen, puis pas à peu près. OK. Nate Pearson, encore blessé hier, là, c'est annoncé hier. Est-ce que Pearson, il a un bras incroyable, là, 600 milles à l'heure? Est-ce que tu le vois comme releveur? Moi, je commence à me poser des questions et la question était posée à un moment donné. Moi, je pense que de plus en plus, son avenir est comme releveur. Est-ce que ça pourrait-tu être ça? Moi, je l'ai toujours vu comme un lanceur partant, mais à un moment donné, à un certain moment donné, il faut que tu réalises s'il peut toujours être blessé. Qu'il n'est pas capable de contribuer à chaque 5 jours, bien, t'es mieux de le mettre dans l'enclos des releveurs. Mais l'affaire de Nate Pearson, je pense qu'ils vont lui donner le plus de chances d'être partant autant que possible en raison, tu sais, c'est pas un gars qui lance juste 2 lancers. Non. Tu sais, il a une bonne balle cassante, 2 bonnes balles cassantes, sa courbe, sa glissante, il a un bon changement de vitesse et sa rapide, je veux dire, est explosive. Mais c'est ça, à un certain moment donné, il faut que tu prouves à l'instructeur de lanceur et au gérant que tu es capable de te présenter à tous les 5 jours. Et si ça devient un problème, bien c'est là souvent que tu es obligé d'aller dans l'entour des releveurs. Et puis, je suis convaincu que les Blue Jays ne veulent pas faire ça avec lui, pas tant et aussi longtemps qu'il va démontrer ce qu'il a démontré comme lanceur partant. Dernière question. Surtout s'il y a des ligues mineures cette année. Bien, c'est annoncé attendez d'un mois cette semaine, encore une fois. Dernière question, puis je veux te parler de Tony La Russa, 71 ans. Ça fait des années qu'il n'est pas comme gérant du baseball majeur. Les White Sox ont une équipe incroyable, une jeune équipe. On parle beaucoup des Blue Jays comme jeune équipe, mais les White Sox, c'est Louis Robert, entre autres. C'est une jeune. Mais qu'est-ce que. On dit qu'il est très, très près de Jerry Reinsdorf, le propriétaire des White Sox. C'est pour ça qu'il explique son embauche. Sauf que quelque part, ce gars-là, là, ça fait quoi, 10. C'est quoi, c'est 2001, la dernière fois qu'il est venu comme gérant? Ce gars-là, il est collecté complètement de la nouvelle génération du baseball. J'ai l'impression que ça risque de faire patate. Est-ce que je me trompe? Tu ne te trompes pas, puis ce que tu as dit, c'est vrai. C'est Jerry Reinsdorf, c'est un propriétaire qui est extrêmement loyal envers ses employés. Si tu fais rien de mal, là, tu peux travailler avec les White Sox pendant 50 ans, puis lui, il va tout faire pour te protéger. Et je pense que ce qui est arrivé avec La Russa, c'est justement ça. Il l'a tellement aimé comme gérant dans ses premières années comme gérant qu'il a décidé de le ramener. Une question de loyauté, une question aussi, je pense, qui est bien avec lui, il connaît bien. Et l'affaire qui a sauvé La Russa, c'est que les dernières années, il était quand même dans le baseball majeur. Je sais qu'il a travaillé dans la direction des Red Sox avec les Diamondbacks. Il a fait plusieurs rôles, mais comme tu mentionnes, il n'était pas sur le terrain. Mais ce qui est encourageant, c'est de voir un gars comme Tim Anderson, qui est la vedette en ce moment des White Sox, sortir et dire que, à date, c'est sûr qu'à date, tu sais, toujours la lune de miel entre les joueurs et le nouveau gérant, mais à date, ils sont très impressionnés parce que avec ce que Tony La Russa amène justement dans le vestiaire. Je pense qu'il y a des joueurs qui s'attendaient à voir un vieux arriver avec sa marchette, puis de sortir son fameux livre, et puis comme ça. Mais je pense que La Russa a réalisé, en regardant les Tatis, les Guerrero, qu'il faut évoluer. On ne peut pas être des dinosaures. On doit laisser les jeunes s'exprimer. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire dans le sport. Il faut que tu laisses les jeunes là, s'exprimer. Allez-y, amusez-vous. Tu sais, je veux dire, avec les chiffres, les statistiques avancées, on essaie de faire des robots avec ces joueurs-là. Puis c'est qui paye en bout de ligne? C'est le consommateur, c'est le partisan des estrades qui ne voit pas justement ces gars-là faire ce qu'ils devraient faire, avoir le flair et de pouvoir juste inventer des choses sur le terrain. Oui, mais c'est que je vois un AJ Hinch qui était disponible, c'est un peu bizarre. Ça reste que c'est très bizarre avec le potentiel qu'avait le choix de Tony La Russa comme gérant des White Sox. J'ai hâte de voir ça. Ça va être quelque chose qu'on va suivre cette année parce que, écoute, le gars, c'est un personnage dans le baseball, mais ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas été sur le terrain que avec le talent de cette équipe-là, ça a hâte de voir. 2003, les Marlins, on avait congédié Jeff Torborg, on l'avait remplacé par Jack McKeon. Ouais. Jack, ça faisait des années qu'il n'était pas sur le terrain. Tout le monde disait, il est bien trop vieux, qu'est-ce qu'il fait là? On a gagné la Série mondiale. Peut-être que La Russa va être capable de toucher les bons boutons, de ne pas se mettre dans le chemin, de laisser les joueurs jouer. Il reste que c'est un Hall of Fame, pareil. Il reste que c'est un Hall of Fame, puis c'est un gérant qui a un nom. T'sais. C'est comme. Oui. Ça, quand tu as un nom, puis tu es un Hall of Fame, il y a un certain aura autour de toi. Là. Oui, il y a ses lettres de noblesse avec lui. Puis les joueurs ne sont pas niaiseux. Hein. Ils réalisent que ce gars-là, ce n'est pas un bouffon, premièrement. Puis, peut-être au point de vue de communication, je ne sais pas, mais je sais que dans le temps, c'était un bon communicateur quand il était avec les White Sox. Ouais. C'est une des raisons pourquoi il l'avait engagé quand il était jeune. Oui, alors, peut-être qu'il est capable de faire. 1983, qui était avec les White Sox de Chicago, je pense, dans ce temps-là. Quand... Ben oui, il était gérant quand j'étais joueur des Ligues mineures. Hey, c'est incroyable. Pierre, merci beaucoup. Mon ami Bruno Boudreau ne pouvait pas être là aujourd'hui. Fait que j'ai décidé de dire, je vais demander à Pierre de venir. On va se parler sûrement durant la saison dans le monde du baseball, si tu permets. Ben, ça me fait plaisir et merci. Hein? Notre ami Pierre Arsenault qui nous parlait de la chronique dans le monde du baseball.